إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication du livre Haqiqatu Shura fil Islam, la réalité de la concertation ou la consultation dans l'islam. On a lu jusqu'à maintenant, on a fait 4 cours, donc on est dans le cours numéro 5, on a lu plusieurs points jusqu'à maintenant et le dernier cours, on a expliqué certaines erreurs qui sont faites de la part de certains parmi les Hizbiyyin et les Harakiyyin. Hein, par rapport à l'islam, ils essaient d'interpréter la démocratie comme étant quelque chose d'islamique et ils disent que c'est la shura. Hein, on a expliqué ça. Mais le cheikh, il a clarifié que parmi eux, il y a une catégorie de ceux qui disent ça qui sont des juhal, c'est des ignorants. D'autres, ce ne sont pas des juhal, ils savent très bien, mais ils veulent tromper les gens. Donc on a expliqué maintenant par la suite c'est quoi la différence ou c'est quoi, quelles sont les différences entre Ashura dans l'islam puis la démocratie des kuffars, et qu'on a expliqué qu'il n'y a aucune il n'y a pas de ressemblance entre les deux sont complètement différents puisque un, c'est-à-dire l'Ashura par exemple, elle est basée sur la révélation d'Allah et sur la religion d'Allah. Et l'autre, il est basé sur le kufr, sur la philosophie et sur des choses inventées par des êtres humains. Donc, on ne peut pas les comparer les deux. Les deux sont différents. Donc, le cheikh explique, il dit, hein, il a mentionné différents points à ce sujet-là et il compare les différents systèmes. Il dit, لأنهم يعلمون أن هذا المجتمع السعودي بعد لا سوسيتي سعودياني إنما يحكمه الإسلام ولا شيء غير الإسلام لا الديمقراطية ولا الدكتاتورية ولا الحزبية. Donc il dit que l'Arabie Saoudite c'est un exemple par rapport à l'application de l'islam et que c'est un état musulman et que là-bas c'est pas la dictature qui dirige, c'est pas la démocratie qui dirige et c'est pas un parti qui dirige. Il n'y a rien d'autre qui dirige là-bas que l'islam. Et il explique que, donc, que c'est un seul parti, que toute la société saoudienne forme un seul parti. Et c'est comme ça que ça doit être dans l'islam. C'est-à-dire pas seulement en Arabie Saoudite, mais dans tous les pays musulmans, ça doit, la population et les dirigeants doivent former un seul parti. Hein. Ils doivent être unis tous sur l'islam. Et le parti qu'ils suivent, c'est l'islam. Hein, ils se basent sur leurs lois, ils se basent sur le Coran et sur la Sunna, hein, et ils suivent que ça et rien d'autre. Ensuite, le Cheikh Mohamed Aman, après avoir expliqué ça, il dit: ثم إن هذا المجتمع كما آمن بشريعة الله واكتفى بها بل استغنى بها فإنه يكفر بأي تشريع آخر يكفر بالتشريع الديمقراطي وبالتشريع الدكتاتوري وبالتشريع الحزبي الشيوعي فلا يؤمن بشيء مغير للإسلام إذ لا يصح الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبشريعة الله إلا بالكفر بكل ما سواها من التشريعات المشار إليها وغيرها تطبيقا لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وقوله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc le cheikh explique que ensuite cette société, elle a, yani, comme elle a cru en Allah, hein, la charia d'Allah, et elle s'en est suffi, c'est-à-dire elle a trouvé la charia d'Allah comme étant suffisante, même qu'elle s'est passée de toute autre chose, hein, que la charia d'Allah, elle a en même temps aussi renié toute autre législation que la charia d'Allah. Hein? Et c'est ça qui est une des conditions dans la foi en islam, que tu ne dois pas juste croire en Allah et en la charia d'Allah, mais tu dois également renier tout ce qui est en dehors d'Allah et renier toute autre loi et tout autre système, hein, autre que ce que Allah a révélé. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de musulmans n'ont pas compris à notre époque, et même parfois avant notre époque aussi, il y a beaucoup de musulmans qui n'avaient pas compris ça comme il faut. C'est-à-dire que c'est pas suffisant pour dire que tu es musulman, que tu dises juste « je crois en Allah, je crois en l'islam, je crois en la charia », puis en même temps tu vas accepter des lois faites par des êtres humains, des systèmes faits par des êtres humains. Tu dis « oui, je crois en la laïcité, je crois en la démocratie, je crois en... par exemple, toutes ces autres choses qui sont inventées par les êtres humains, parce que d'accepter un implique de renier l'autre. Donc si tu dis je crois en l'islam, tu dois renier qu'est-ce qui oppose l'islam. Et si tu acceptes la laïcité, ça implique que tu renies l'islam. Donc tu dois choisir un ou l'autre, tu ne peux pas être les deux en même temps. Et c'est ça qui est dommage de la part de certains qui ont eu une éducation occidentale, par exemple, qui sont allés dans les universités occidentales et qui ont étudié chez eux, et qui n'ont pas étudié la religion d'Allah, ils n'ont pas étudié la aqidah de l'islam, ils n'ont pas étudié la charia d'Allah et les règles du fiqh et les ahkam de la charia. Donc, ils ont une compréhension superficielle de l'islam, et même parfois ils mélangent ça avec une idée qu'ils ont des conceptions de la religion comme les soufis. Hein, chez les soufis, eux, les soufis, ils considèrent que la religion, ça se passe que dans le cœur, et que qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça, c'est pas grave, hein, et tu peux faire ce que tu veux en dehors de ça, l'important, ton cœur il est bon, t'es un croyant, hein, et tu fais du dhikr dans la mosquée ou comme dans les centres de soufis où ils se réunissent pour faire leur danse et leur chant, après tu sors, tu fais ce que tu veux, hein. Et la charia d'Allah, c'est pas comme ça. Hein? Et la religion d'Allah, ça se limite pas uniquement à ça. Donc, le cheikh explique, il dit qu'il faut renier la démocratie et les lois établies par la démocratie. Pourquoi ? Parce que dans la démocratie, c'est les êtres humains qui décident. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et c'est par rapport à la majorité. Donc, ça veut dire que eux, ils vont, par exemple, quand ils veulent faire passer une loi dans la population, ils vont faire une propagande par les médias et ils vont pousser une idée pour que tout le monde pense de la même manière ou accepte de penser d'une manière. Et même si tout le monde ne l'accepte pas, ce n'est pas grave pour eux. L'important, c'est qu'une majorité de la population l'accepte. Et donc, ils vont utiliser des publicités et ils ont des moyens parce qu'ils ont l'argent pour faire ça. Donc, ils vont payer pour ça avec... hein, l'argent des taxes qu'ils prennent des gens, ils vont faire des pubs avec, hein, pour faire des publicités, comme ils ont fait dernièrement, subhanallah. Quand j'étais dans le métro, j'ai vu, ils ont mis une publicité, ils ont dit, ils ont marqué le Coran, ils ont marqué la Bible, la Torah, le Coran, non, l'Évangile, la Torah, le Coran, c'est sacré. Puis à côté, ils ont marqué la laïcité de l'État, et l'égalité homme-femme, c'est sacré, c'est aussi sacré. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ils veulent mettre à égalité des choses qui sont complètement inégales, et ils veulent rendre sacrées des choses qui ne sont pas sacrées. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas rendues sacrées, eux ils veulent les rendre sacrées. Hein? Et les choses qu'ils ont inventées eux-mêmes, ils veulent le mettre au même niveau que qu'est-ce que Allah a légiféré. Donc ça, c'est des exemples de du jugement du Tawhid et du jugement des kuffars, yani, comme la démocratie. Maintenant, ils ont rendu légal, par exemple, des mariages entre des gens du même orientation sexuelle ou même sexe. Hein. Les hommes se marient avec des hommes, des femmes se marient avec des femmes. Ça, c'est quelque chose qui a été interdit, par tous les messagers d'Allah, dans toutes les législations qu'Allah a révélées aux messagers, et même dans les lois des kuffars, avant, c'était interdit. Ici en Amérique, aux États-Unis, en Europe, c'était toujours considéré comme quelque chose d'interdit et quelque chose de mal. Et même les médecins, les koufars considéraient ça, les psychologues et les psychiatres considéraient ça comme une maladie mentale. Là, dernièrement, ils ont fait un changement dans leur système, parce que ça c'est en accord avec leurs idées. Donc, ils ont décidé que c'était plus une maladie, que c'était normal et que c'était permis maintenant. Donc, deux hommes peuvent se marier légalement et avoir les mêmes droits qu'un homme et une femme quand ils sont mariés. Parce que pour eux, c'est égal. Allah musta'an. Donc, ça, c'est un exemple de la démocratie. OK? At-tashri' al-diktatori. At-tashri' al-diktatori, on en a parlé, on a expliqué que c'est quand quelqu'un qui décide lui-même qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, selon ses propres décisions à lui, comme un chef de l'armée, par exemple, il décide de prendre le pouvoir, il renverse le gouvernement, et puis il se met au pouvoir. C'est lui qui va décider les lois, c'est lui qui va décider tout dans le pays. C'est lui qui, c'est ça la dictature. Et l'islam, elle n'a rien à voir avec ça. Parce que dans l'islam, le dirigeant, c'est pas lui qui fait les lois. C'est les lois que Allah a révélées qu'il fait appliquer. Hein? Donc ça, ça n'a rien à voir. Et aussi, at-tashri' al-hizbi al-shuyu'i. Ça aussi, c'est la même chose. Les législations faites par le Parti communiste, eh bien, c'est la même chose. C'est des lois qui sont faites par les êtres humains, qui sont décidées par le parti, sans tenir compte de qu'est-ce que Allah a légiféré ou révélé dans sa révélation. Et il y a qu'est-ce que les koufars aussi parlent quand ils disent la théocratie. Quand ils parlent de la religion, du jugement de la religion, comme ils parlent de l'islam, ils disent que c'est une théocratie, comme c'est les religieux qui décident. Et encore là, ça aussi, ça n'a rien à voir avec l'islam, parce que la théocratie, ça veut dire que c'est les hommes de religion qui décident les lois, comme les prêtres. Hein? Et nous, dans l'islam, on n'a pas ça. Même les ulama, ils n'ont pas le droit d'inventer eux-mêmes des lois qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Ils doivent suivre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc, c'est dans l'islam, le système, c'est de suivre qu'est-ce que Allah a été révélé et de se baser sur qu'est-ce qui a été ordonné par Allah et d'interdire ce que Allah a interdit. Et c'est ça le principe dans l'islam. Le cheikh, il explique que on ne croit en rien d'autre qui est différent de l'islam. Et il dit parce que la foi elle ne va pas être correcte, elle ne va pas être valable, excepté si la foi en Allah et la foi en la charia d'Allah elle ne va pas être valable, excepté si on renie tout ce qui est en dehors de ce que Allah a révélé ainsi que de ce qui est dans la charia d'Allah. Parmi les différentes législations qu'on a mentionnées tout à l'heure, qui sont inventées par les êtres humains, et ça c'est pour respecter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit dans le Coran, celui qui rejette le tawhid et qui croit en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Et Allah est certes large et omniscient. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 50, dans lequel il dit « Est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'il recherche ? Et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour un peuple qui est convaincu ?» Donc le cheikh, il dit « Wahuma hukman ithnan la thalitha lahuma hukmullahi wa hukm al-jahiliya » Donc il dit le cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, il y a deux jugements seulement. Le jugement d'Allah et le jugement de la jahiliya. Il n'y en a pas un troisième. Hein? Donc, soit tu choisis le jugement d'Allah, et si tu ne choisis pas le jugement d'Allah, eh bien, tu es dans le jugement de l'ignorance, le jugement de la jahiliya. Hein? Donc, tu choisis. Et les jugements de l'ignorance, ils ont plusieurs noms, plusieurs manifestations, plusieurs formes. Hein? Comme par exemple, la démocratie, le communisme, le socialisme, la laïcité, les droits de l'homme. Tout ça, c'est des lois de la jahiliya. Tout ça, c'est des droits de la jahiliya. Tout ce qui est contraire à la révélation d'Allah dans ces lois-là, eh bien, ça fait partie de la jahiliya. Par exemple, les lois, que ce soit les lois canadiennes, les lois américaines, les lois françaises, les lois anglaises, les lois même les lois des pays arabes ou non arabes qui sont contraires à la charia d'Allah, c'est la même chose. Il n'y a pas de loi qui doivent être acceptées ou obéies ou suivies, excepté les lois qui sont révélées par Allah dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Et ça c'est quelque chose qui est venu en même temps qu'il vient libérer les êtres humains. C'est un principe qui vient libérer les êtres humains de l'obéissance aveugle aux hommes et de l'esclavage de l'homme pour l'homme. Hein? Du sens, dans le sens que l'homme il va plus obéir aveuglément à des lois que des êtres humains inventent. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces êtres humains-là pour pouvoir rendre quelque chose licite ou illicite ou permettre ou interdire quelque chose alors que ce sont des êtres humains comme nous, hein? Et ils sont ignorants et ils oublient et ils ont des faiblesses et ils ont des manquements, hein? Et ils ont des passions, ils ont des désirs et ils ont de l'injustice, ils ont de l'ignorance. Donc qu'est-ce qui les préserve de tout ça, hein? C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est préservé de ces choses-là. Et donc, les êtres humains, ils font des lois, c'est toujours pour supporter ou défendre un intérêt par rapport à l'intérêt d'un autre. Et même s'ils essaient d'être justes, tu trouves qu'il y a toujours de l'injustice dans leurs lois. Hein? Et le jour que tu réalises ça, comme je dis souvent, c'est le jour où tu as un problème avec le système juridique, que tu dois passer à la cour chez les koufars. Là, tu commences à réaliser qu'est-ce que c'est ce système-là en réalité. Parce que quand tu n'as pas affaire avec le système juridique, là tout va bien, hein, tu ne comprends pas, tu ne vois pas la réalité de ce système, comment il fonctionne. Mais quand tu commences à avoir des problèmes avec le système juridique et que tu dois aller dans la cour, devant les juges, avec les avocats, avec le système, là tu commences à comprendre, tu dis, subhanallah, ils ont inventé des lois, ils ont inventé des trucs. Exactement, exactement. C'est comme, en fait, c'est comme pour dire que les koufars, quand ils font des lois, c'est toujours comme ça. Les riches contre les pauvres ou les pauvres contre les riches. Hein? Les blancs contre les noirs ou les noirs contre les blancs. Les hommes contre les femmes contre les hommes. Les vieux contre les jeunes contre les vieux. Hein? Les enfants contre les parents contre les enfants. Ils essaient toujours de mettre une partie de la société contre l'autre. Alors que l'islam vient pour mettre l'harmonie et établir la justice entre les gens et non pas pour créer des conflits comme ça comme eux ils sont en train de faire malheureusement. Donc le cheikh il dit ensuite وَعَلَيْكَ أَن تَرْضَى وَتَخْتَارَ أَحَدَهُمَا إِمَّا حُكْمُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ مَا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ. Donc le cheikh il dit maintenant tu as le choix de choisir. Hein? Et tu as le choix et tu dois choisir un des deux. Le jugement d'Allah ou le c'est le jugement qui est dans le livre d'Allah. Ou bien tu choisis le jugement de la Jahiliya et c'est tout ce qui contredit le livre d'Allah. Ok, c'est un des deux. T'as pas d'autres possibilités. Et donc ça c'est important. Et comme par exemple, il y a des musulmans qui pensent, en fait c'est les fois qui sont en train aussi d'encourager ça, de dire comme par exemple, ils vont dire à des musulmans, « Oh mais lui c'est un islamiste, ou lui c'est un intégriste, ou lui c'est un musulman radical. » Il se base sur quoi pour dire ça? Il se base sur le fait que lui c'est un musulman qui accepte tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et il le défend et il le supporte. Et il critique rien et il contredit rien de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. C'est un musulman vrai. Eux, ils considèrent que c'est un extrémiste, ou que c'est un intégriste, ou que c'est un... Hein, les termes qu'ils ont, « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh » Ça va, Hassan? Alhamdulillah. Donc, ça va très bien, alhamdulillah, barakallahu fik. Donc, pour eux, c'est ça. Mais le musulman qui n'est pas radical, c'est qui? Le musulman qui n'est pas intégriste, c'est qui? Le musulman qui n'est pas islamiste, c'est qui? C'est le musulman. Non, même les Ikhwan, eux, ils le considèrent des fois comme ça. C'est le musulman pour eux qui va accepter une partie de la religion, mais qui va rejeter les parties qui ne leur font pas plaisir. Donc si par exemple les koufars, eux, ils n'aiment pas le hijab, et toi tu es un musulman, puis tu dis non, moi je pense pas que c'est obligatoire, ou je suis pas d'accord avec le fait que les femmes se voilent, ah là tu es un bon musulman, tu es un musulman modéré. Hein? Si tu dis par exemple, toi, hein? Tu vois, ouais, tu vas dire, est-ce que tu es d'accord, par exemple, toi, avec le fait que quelqu'un peut être homosexuel, il a le droit de se marier avec un homme, ou une femme avec une femme, ou des choses comme ça. Tu dis, si il dit, par exemple, oui, moi, je suis d'accord, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Ah, ça, c'est un bon musulman, c'est un modéré et tout, hein. Mais si tu n'es pas d'accord avec ça, puis que tu supportes qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, ah, toi tu es un intégriste, un islamiste, un fondamentaliste, un radical, un salafiste, et ils mélangent tout le monde là-dedans. Des fois ils ont des confusions totales dans la façon d'utiliser ces termes-là, et ils font même pas la distinction. Et quand tu écoutes les koufars, par exemple, quand ils vont dire c'est quoi un islamiste? C'est quoi la différence entre un musulman ordinaire puis un islamiste? Eh bien, ils vont dire, oh, c'est parce que les islamistes, eux, c'est des gens qui veulent utiliser l'islam pour des objectifs politiques. Et nous, on sait c'est qui, parmi les musulmans, qui essaient d'utiliser l'islam pour des objectifs politiques. C'est des ikhwan. Mais sinon, l'Arabie Saoudite, c'est un gouvernement musulman. Et ils appliquent la charia d'Allah, et ils appliquent les règles qui sont écrites dans le Coran, et ils jugent, hein, selon la charia d'Allah. Et le roi là-bas, c'est un roi musulman qui applique la charia. Est-ce que eux, tu vas dire que c'est des islamistes parce qu'ils appliquent l'islam sur le plan politique? Ben oui, tout le temps. Ils attaquent toujours l'Arabie Saoudite parce que pour eux, c'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que ils appliquent l'islam, ils appliquent la charia d'Allah, et c'est ça qui les dérange. Non, les autres pays, ça y est. Même l'Iran, avant, ils les critiquaient, l'Iran. Maintenant, ça y est. C'est devenu les amis. Parce que c'était eux qui ont aidé, de toute façon, les Iraniens. Al-Khomeini, avant de faire sa révolution, était en France. Hein? Pourquoi ils l'ont laissé rentrer en France s'ils ne voulaient pas qu'ils fassent un état islamique? Pourquoi ils l'ont laissé retourner là-bas faire ça? En tout cas, tu vois qu'il y a toutes sortes de magouilles là chez ces gens-là. Non, ils voulaient faire un état chiite. Ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce que Khomeini a fait. C'est des chiites, ils détestent l'islam et les musulmans. Bon, pour revenir à notre point, le cheikh il dit « Bal yahiqqu lana an nu'lina huna bi kulli saraha » تحدثا بنعمة الله سبحانه أن هذا المجتمع قد رفع التوحيد هامته فلا يخضع لأي تشريع يتنافى والتوحيد فلا شك أن الخضوع للتشريعات البشرية أيا كان نوعها يتنافى والتوحيد إذ لا حاكمية إلا لله إذن فلا ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا حزبية بل إنه لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا مشرع غيره ولا شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى هذا هو ديننا الذي ندين الله به وندعو إليه ونصبر على الأذى فيه لا لبس فيه ولا غموض فيه ولا غموض ولله الحمد والمنة فنسأل الله تعالى المزيد من فضله. Donc le cheikh il dit, hein, on a le droit de dire, ou il est correct pour nous de dire, hein, et d'annoncer et de déclarer, hein, clairement et explicitement, en mentionnant les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette société, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, a élevé le tawhid et a élevé son importance, parce que c'est vrai, c'est le pays du tawhid, hein? C'est le pays qui a établi le tawhid et qui a combattu le shirk et les bid'ah et les innovations, et qui a élevé la sunna, hein? Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit فَلَا يَخْضَعْ لِأَيِّ تَشْرِيعٍ يَتَنَافَى وَالتَّوْحِيدِ, c'est-à-dire on se soumet à aucune autre législation qui vient en opposition avec le tawhid. Le tashri' de l'islam, il dit quoi? Il dit que, il est basé sur le tawhid, l'unicité d'Allah. Et il dit que, c'est Allah seul qui est le législateur. C'est Allah seul qui ordonne et qui interdit. C'est Allah seul qui est le maître de l'univers. C'est lui seul qui contrôle tout et on doit juger uniquement selon sa législation. C'est ça le tawhid. On n'adore que lui. On vit pour lui, pour l'adorer. Et donc, on ne doit se soumettre à aucune autre législation humaine, peu importe quelle peut être. Et tout ce qui est en opposition avec le tawhid, on le rejette, parce qu'il n'y a pas de juge excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les kuffars, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils font quand ils critiquent l'islam? Ils critiquent l'islam sans que ce soit basé sur des preuves ou des arguments. Ils font juste dire, l'islam c'est contraire à nos lois. L'islam c'est contraire aux droits de l'homme. L'islam c'est contraire à la démocratie. L'islam c'est contraire à nos valeurs. L'islam c'est contraire par exemple à la démocratie, à la laïcité. Nous on dit oui, l'islam c'est contraire à toutes ces choses-là parce que l'islam c'est la vérité. L'islam c'est la religion d'Allah. Toutes ces choses que vous mentionnez, la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont inventées par les êtres humains et qui sont remplies d'erreurs et de contradictions. Donc on ne peut pas se baser sur ces choses-là, et nous on est des croyants, donc on se base sur la révélation que Dieu nous a ordonné de suivre, et c'est ça qui est la vérité. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est votre problème, hein? Mais nous, c'est ça ce qu'on va suivre quand même. Peu importe que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Ouais, ils vont dire sharia, mais même si, non seulement ils le traduisent pas, comme tu dis, mais aussi en même temps, ils l'expliquent pas. Hein? Ils expliquent pas qu'est-ce que c'est. Donc les gens, ils vont entendre le mot sharia, puis ils vont penser que sharia, ça veut dire couper la main des voleurs seulement. Ou bien que ça veut dire seulement quand quelqu'un fait un crime, il va être tué. S'il tue, on va le tuer parce que dans l'islam il y a la peine de mort. Hein? Ou bien si par exemple quelqu'un fait l'adultère, il va être lapidé. Et il pense que la charia c'est seulement ces choses-là. Ça fait partie de la charia, oui, mais c'est pas ça seulement la charia. La charia c'est aussi la foi, c'est aussi la salat. C'est aussi la zakat, c'est aussi toutes les règles de l'islam, qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna, et qu'est-ce qu'on doit appliquer comme religion au complet. C'est ça la sharia d'Allah. Hein? Donc, le fait de dire sharia, puis de critiquer les musulmans qui sont en faveur de la sharia comme si c'était des extrémistes, ben, si tu dis par exemple, un musulman qui est pour la charia est un extrémiste, ça veut dire que tous les musulmans sont des extrémistes, parce que tous les musulmans sont obligés par définition d'être en accord avec la charia. Sinon, ce ne sont pas des musulmans. La loi d'Allah, ou bien la législation, ou bien l'islam. Parce que la charia, c'est l'islam. Et l'islam, c'est la charia. Hein? Donc, on ne va pas prendre une partie de l'islam puis rejeter l'autre. On doit tout prendre. Hein? On doit tout accepter. Et si tu rejettes juste une seule partie de l'islam, c'est comme si tu avais rejeté tout le reste. Parce que tout ce qui est dans l'islam, tout ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, tout ça vient d'Allah, au complet, sans exception. Donc eux, les koufars, ils vont prendre des choses dans l'islam pour essayer de le critiquer. Comme par exemple, ils vont dire, ah mais dans l'islam, il n'y a pas l'égalité entre l'homme et la femme, parce que dans l'islam, la femme, elle doit se voiler, la femme, elle n'a pas le droit de faire ça, la femme, elle n'a pas le droit de faire ça, la femme, elle n'a pas le droit de faire ça. Donc ça, c'est la preuve pour nous que la religion de l'islam est injuste. Nous, on dit, non, c'est pas vrai. La religion de l'islam fait la distinction entre l'homme et la femme parce que justement elle est juste. Et si elle ne faisait pas distinction entre l'homme et la femme, c'est là qu'elle serait injuste. C'est votre système qui est injuste en voulant mettre à égalité l'homme et la femme alors que l'homme et la femme sont inégaux par nature et dans leur création et sur le plan psychologique et sur le plan physique. Et biologique, et sur tous les autres aspects. Et ça implique une différence dans les rôles que la femme a et que l'homme a. Et donc ces rôles-là, si vous les niez, alors ça veut dire que vous niez même la sagesse divine. Vous niez même pourquoi Dieu a créé les hommes et la femme. Hein? Si c'était comme je l'ai dit dans les cours précédents, j'ai dit si Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas une sagesse dans le fait de créer l'homme et la femme, il aurait créé un seul sexe. Il aurait créé que des hommes et que des femmes. Hein? Soit que des hommes ou soit que des femmes, puis il n'y aurait pas eu un sexe. autre que celui-là. J'ai entendu, je ne sais pas, Wallahu a'lam. Je ne me suis jamais renseigné à ce sujet-là. Mais il y a beaucoup d'autres différences que ça, de toute façon. Déjà, le fait que la femme, elle est créée pour être celle qui va porter la progéniture de l'être humain. C'est elle qui porte le bébé, c'est elle qui est prédisposée à le faire. Parce que la façon comment Allah l'a créée, avec l'utérus, avec le lait qu'elle donne à son bébé, l'homme il n'a pas de lait. Et comme le jour qu'ils vont pouvoir mettre un utérus dans le ventre d'un homme pour faire un bébé, là, ça c'est le jour où les poules vont avoir des dents. Parce que pourquoi? Même de prendre un utérus d'une femme pour le mettre dans une autre femme, ils sont pas capables de le faire. De faire une transplantation d'utérus d'une femme à l'autre. Ils n'ont pas été capables. Ils ont essayé de faire ça, je me rappelle. Quand j'étais en Arabie Saoudite, ils parlaient de ça dans les journaux. Il y avait une femme qui voulait avoir des enfants, elle ne pouvait pas. Ils ont pris un utérus d'une femme, ils ont essayé de le mettre dans son ventre. On revient au sujet. Donc le cheikh, il dit donc qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de dictature dans l'islam. Il n'y a pas de partisantisme. Il n'y a pas de parti. Et il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Il n'y a pas de seigneur autre que lui. Et il n'y a pas de législateur autre que lui. Et il n'y a pas de législation autre que sa législation. Et ça, c'est notre religion par laquelle nous adorons Allah. Et nous invitons les gens à cette religion-là et à cette compréhension-là. Et on endure les difficultés et les nuisances qui viennent du fait qu'on appelle à cet islam, et il n'y a pas d'ambiguïté dans cette religion, il n'y a pas de doute, et c'est à Allah qu'appartient la louange et le remerciement. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous augmente de sa grâce. Après, le cheikh il dit akhta al-harakiyin, les erreurs des activistes et des islamistes, ceux qui font partie des groupes islamiques qui propagent l'idée que la démocratie ça fait partie de l'islam ou que c'est la shura ou des choses comme ça, al-harakiyin, parce que eux c'est des gens qui sont pour la haraka, sont pour le mouvement, c'est des activistes, des gens qui veulent le mouvement là. Donc le cheikh il dit من الأخطاء التي يقع فيها بعض المثقفين وبعض الكتاب المحدثين قولهم إن المسلمين يعيشون اليوم في غياب الإسلام ويتهمون الإسلام بأنه غائب وفي الواقع أن الإسلام لم يغب قط ولن يغيب أبدا فمنذ أن بزغ فجر الإسلام وطلعت شمسه لم تغب شمسه بل الواقع بالفعل أن هؤلاء الكتاب هم الذين غابوا عن الإسلام لأنهم لم يدرسوا الإسلام ولم يتعلموا الشريعة الإسلامية بل إنهم لم يدرسوا العقيدة الإسلامية التي هي أساس الإسلام فمن لم يدرس الإسلام ولم يتعلم شريعته ولم يحيي قلبه بعقيدته يعد غائبا عن الإسلام معرضا عنه لأن الإسلام دين الله الخالد الباقي أنزله الله تعالى ليبقى لا ليذهب أو يغيب بل يبقى ما بقيت الدنيا لن يغيب ولن يغيب أبدا بل هو ظاهر مهيمن على جميع الأديان ومسيطر على جميع الملل لقوله تعالى في شأن رسوله الكريم ودينه القويم الذي جاء به هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Donc le cheikh explique, il dit que parmi les harakiyin, il y a des gens qui ont commis une autre erreur aussi. Et cette erreur, c'est quoi? C'est l'erreur de dire que l'islam actuellement il est absent. Ils disent que les musulmans vivent aujourd'hui dans un monde où l'islam est absent. Ils disent qu'il n'y a pas d'islam. Et j'ai entendu des expressions comme ça, même je me rappelle il y a quelques années, ils avaient invité un docteur à la mosquée Sunna pour faire une conférence, et le titre c'était « Comment on fait pour faire revenir la Oumma de l'islam ?» Hein? Et le docteur en question, ce n'est pas un docteur de l'islam, c'est un docteur en médecine. Et eux, ils font toujours ça, les Hizbiyyin, ils étudient en médecine ou en chimie, puis ils deviennent des docteurs, puis après, quand ils donnent des conférences sur l'islam, ils disent nous, on est des docteurs, mais on n'est pas, mais ils disent pas qu'ils sont pas des docteurs en islam. Donc, c'est ça ce qu'ils avaient mis comme titre. Comment faire revenir la Oumma de l'islam, hein? Comment créer la Oumma de l'islam, ou des choses comme ça. Et ici, il dit d'une autre façon, il dit, les musulmans vivent aujourd'hui dans l'absence de l'islam. Comme s'il n'y avait pas, l'islam, il n'est pas présent maintenant. Il faut le faire venir. Ou bien, il faut le ramener. Et donc, ils accusent l'islam d'être absent. Et il dit, le cheikh, qu'en réalité, l'islam n'a jamais été absent. Il ne sera jamais absent. Depuis que le soleil de l'aube de l'islam est levé, et que le soleil de l'islam s'est levé, eh bien, il ne s'est jamais couché. Et il ne se couchera jamais, jusqu'à la fin des temps. Il dit, la réalité, c'est que ce sont plutôt ces auteurs et ces écrivains islamistes, qui, eux, ont été absents de l'islam. Et pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas étudié, ils ne l'ont pas appris. Ils n'ont pas étudié la charia de l'islam. Ils n'ont pas étudié la aqida de l'islam, qui est la base de l'islam. Et étant donné, donc celui qui n'a pas appris ou étudié l'islam, et qui n'a pas étudié la charia de l'islam, son cœur n'a pas été revivifié par la aqida de l'islam, eh bien c'est lui qui est absent de l'islam. Et c'est lui qui s'est détourné de l'islam. Parce que l'islam, c'est la religion d'Allah qui est éternelle et qui reste. Et Allah l'a révélée pour qu'elle reste, et non pas pour qu'elle disparaisse ou pour qu'elle soit absente. Donc elle va rester tant que le monde existe, et elle ne va jamais être absente. Et c'est ça, il dit que cette religion, elle est là pour être victorieuse et pour être au-dessus de toute autre religion, et pour avoir le contrôle et le pouvoir sur toutes les autres voies et les autres religions. Et c'est ça que Allah a dit à son messager dans la révélation, dans le Coran, à propos de la religion qu'il a révélée. Il a dit, Allah il dit dans le verset 33 dans Sourate At-Tawbah, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute la religion au complet, même si cela déplaît aux mushrikoun. Verset 33 dans Sourate At-Tawbah. Et puis il y a aussi le verset dans Sourate As-Saff, il y a le même verset mais avec une fin différente, je pense. Donc le cheikh il dit ensuite na'am wa tasdiqan li khabar rasulillah alayhi salatu wassalam la tazal ta'ifatun min ummati mansura 'ala al-haq la yadurruhum man khazalahum wala man khalaf wala man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. فهذه الطائفة المنصورة هي التي تمثل المسلمين المتمسكين بالإسلام بمفهومه الصحيح في عقيدته وشريعته بل حتى في سياسته السليمة والحربية لأن السياسة الشرعية باب من أبواب الفقه الإسلامي وقد تعد أو تعد السياسة أو تعد السياسة الشرعية من العقيدة من بعد الحيثيات ومن حيث توحيد التشريع أو توحيد الحاكمية وهما بمعنى واحد. Donc le cheikh il explique que oui, on doit confirmer ce verset et on doit être d'accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme information. Et ça confirme qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux et qui va être sur la vérité. Et ceux qui les contredisent ou qui les abandonnent ne leur feront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, alors qu'ils seront encore sur cette vérité et sur cette voie. Donc, il y a toujours un groupe des musulmans qui vont être sur l'islam, le vrai, et qui vont toujours s'accrocher au Coran et à la Sunna, et qui ne vont pas dévier dans les sectes ou dans les différentes formes d'égarement et dans les bid'ahs. Hein? Il y a toujours un groupe de la Ummah qui va être sur la vérité, même si beaucoup d'entre les autres s'égarent. Hein? Donc ça, c'est important. Et c'est pour dire donc que le soleil de l'islam, il n'a jamais été absent, il ne s'est jamais couché, il est toujours présent. Sauf que c'est possible qu'il soit absent dans un endroit que les gens ne connaissent pas la sunna, ne connaissent pas la salafia, ne connaissent pas le vrai islam, et que dans d'autres régions, la sunna soit forte, et dans d'autres régions, la sunna soit faible. Hein, ça, c'est possible. Mais qu'il n'y en ait pas du tout personne sur la sunna. Il y en a dans le monde entier, et dans une époque, avant la fin des temps, non, ça c'est pas possible. Il y aura toujours une partie des musulmans, quelque part sur la terre, qui vont être sur la vérité. Et le cheikh, il dit ensuite que ce groupe, il représente les musulmans qui s'accrochent. Hein, ce groupe victorieux, il représente les musulmans qui s'accrochent à l'islam selon sa compréhension correcte, hein, et authentique. Et selon sa croyance et sa charia. Même selon sa politique, hein, dans la façon d'agir dans les moments de paix ou dans les moments de guerre. Comment appliquer les règles de la paix et les règles de la guerre. C'est-à-dire, ces musulmans-là, ils suivent ces politiques-là qui sont établies par l'islam. Et que ça fait partie même de la politique islamique, selon la charia de l'islam. Et le cheikh explique que ça fait partie des chapitres qui ont rapport avec le fiqh islamique, mais on peut même calculer certains d'entre ces principes-là comme faisant partie même de la croyance, hein, dans certaines circonstances ou dans certains contextes. Comme par exemple du point de vue de l'unicité de la législation, du fait que c'est Allah seul qui est le législateur, ou du fait que Allah seul est celui qui juge. Donc, les deux, c'est dans le même sens. Et ensuite, le cheikh explique, il dit « فَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْإِسْلَامِ قَدْ غَابَ يُسَاوِ بِأَنَّهُ رُفِعَ وَهَذَا اتِّهَامٌ خَطِيرٌ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ فَمِثْلُ هَؤُلَاء كَمَثَلِ الْمَرْأَةِ الْعَوْرَاءِ التي أقبلت على جارتها السليمة العينين في الصباح الباكر وهي جالسة تحت ظل خيمتها فقالت لها عمي صباحا يا عوراء فكان جواب جارتها رمتني بدائها وانسلت. Donc le cheikh il dit, le fait de dire que l'islam est absent, c'est équivalent à dire qu'il a été enlevé. Il a été retiré complètement. Et ça, c'est une accusation dangereuse envers l'islam qui est en contradiction avec la réalité. Il dit, l'exemple de ces gens-là qui disent ça à propos de l'islam, c'est comparable à l'exemple d'une femme qui a un seul œil. Et elle s'en va voir sa voisine qui, elle, a ses deux yeux. Hein, et elle voit bien avec ses deux yeux le matin. Et elle arrive le matin très tôt et elle est assise dans sa tente et elle lui dit Amye sabahan ya aura. C'est comme si elle dit à sa voisine Ô toi, celle qui voit juste d'un seul œil. Et la voisine, elle dit elle m'a accusée de son mal et elle est partie. Comme si c'était elle qui était avec un seul œil, alors que c'est pas elle qui est Aura, c'est elle-même qui est. C'est pas sa voisine qui est Aura, c'est elle-même. Mais elle appelle sa voisine Aura. Donc c'est une parole que les gens disent, c'est un dicton, un proverbe. Ramatni bida'iha wansallat. C'est-à-dire quand tu accuses quelqu'un d'un mal et que ce mal-là, il est présent en toi-même. Donc, en voulant dire, avant d'accuser les autres d'avoir un tort, regarde-toi donc en premier. comme c'est dans ce sens-là que le cheikh il dit. Ces gens-là, ils accusent que l'islam il est absent, alors que c'est l'islam qui est absent chez, en eux-mêmes. Donc, arrête d'accuser l'islam d'être absent. C'est toi qui es absent de l'islam. Hein, dans ce sens-là. Et le cheikh il dit na'am, inna l'islam lam yarib wa lan yarib. فالغياب الذي يكرره الكتاب يعني الذي يكرره الكتاب أو الكتاب المحدثون في كتاباتهم ومحاضراتهم إنما هي صفة لهم وليس صفة للإسلام فليتنبه لذلك يعني أنهم هم الغائبون فليرجعوا إلى الإسلام فليدرسوه دراسة فاحصة فليصححوا مفهومهم من جديد بل وليحسنوا علاقاتهم بإسلامهم العظيم. Donc le cheikh il dit oui, l'islam il n'a jamais été absent, il ne sera jamais absent, et yani, ce que disent les auteurs et les écrivains yani, les nouveaux écrivains yani, modernistes là, qu'est-ce qu'ils disent dans leurs livres et dans leurs conférences, eh bien c'est une caractéristique d'eux-mêmes en réalité et non pas de l'islam. Donc il faut faire attention à ça. Et il dit, je veux dire que ce sont eux qui sont absents, donc qu'ils reviennent à l'islam et qu'ils l'étudient comme il faut et qu'ils corrigent leur compréhension à nouveau, hein, et qu'ils arrangent et qu'ils corrigent leurs relations qu'ils ont avec l'islam. Ensuite, le cheikh il dit shajaratul islam tatahadda al-awasif, c'est-à-dire l'arbre de l'islam il défie les tempêtes. L'arbre de l'islam défie les tempêtes, hein? Donc le cheikh explique ça, il dit shajaratul islam gharasaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biyadihi bi'ithni rabbihi, c'est-à-dire l'arbre de l'islam il a été planté par le messager d'Allah, par sa main, par la permission de son Seigneur. غرسها في هذه الجزيرة العربية التي هي منبع النور ومنطلق الإسلام. Donc il a planté cet arbre dans cette péninsule arabe qui est la source de la lumière et le point de départ de l'islam. فارتفعت الشجرة وعلت ثم أرسلت أغصانها في الآفاق وجعلت الناس تجيء ثمارها في كل الأقطار والقارات. Donc il dit, puis ensuite cet arbre il s'est élevé très haut et elle a envoyé ses branches à l'horizon, dans tous les horizons, et les gens sont venus prendre de ses fruits dans toutes les différentes régions de la terre et dans tous les continents. وقد تعتري هذه الشجرة أحيانا عواصف يعني عواصف هوج هوج هوج أو هوج تؤثر أو نعم تؤثر في وضعها وفي محصولها وعطائها. فيقيد الله عند ذلك من يشاء من عباده ليسقيها ويتعهدها حتى تعود كما كانت أو أحسن مما كانت أحيانا. Donc, le cheikh il dit, puis par la suite il est possible qu'il y ait des tempêtes qui viennent, des tempêtes qui viennent et qui affectent sa production de fruits, et que des fois elle ne va pas donner autant de fruits que d'habitude. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait yani, des serviteurs parmi ceux qu'il veut, parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, qui viennent pour l'arroser comme il faut, pour s'en occuper comme il faut, pour qu'elle redevienne comme elle était avant dans sa production de fruits, et même qu'elle devienne parfois meilleure qu'elle était avant. وذلك هو التجديد الموعود به. Il dit c'est ça la revivification, le renouveau de l'islam qui a été promis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra's kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est rapporté dans un hadith qui est authentique par l'imam Abu Daoud dans son Sunan, il dit que Allah il va faire venir dans cette umma à la tête de chaque 100 ans quelqu'un, celui qui va revenir revivifier ou renouveler sa religion, hein, réformer sa religion. Et réformer sa religion, ça ne veut pas dire, comme Tariq Ramadan le dit, réinterpréter l'islam pour le faire être en accord avec les idées des gens de l'époque où tu vis, pour que tu déformes le message de l'islam pour que ce soit en accord avec la pensée des koufars ou la pensée de l'Occident ou des trucs comme ça. Non, la revivification et la réforme de l'islam, ça veut dire de nettoyer et purifier l'islam des innovations qui ont été rajoutées, des choses qui ont été inventées dedans, qui n'en font pas partie, des choses qui ont été enlevées, que les gens ont oubliées, de le ramener, de le faire revivre. C'est ça de faire le tajdid, et non pas, comme ces gens-là s'imaginent, d'inventer des innovations dans l'islam. Donc, c'est ça la réforme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis, et c'est ça ce qui va arriver Inch'Allah. Donc là, le cheikh, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner les exemples des différents réformateurs qui sont venus par la suite pour revivifier l'islam. Et si vous voulez, on peut lire cette partie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste la lire directement en français. Pas besoin de la traduire parce que déjà, on a déjà parlé de ce sujet-là. Donc ça va aller plus vite. Donc le cheikh il dit dans les années 200 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des Abbasiyyins, l'islam a été touché par une grande fitna, hein, et c'est la fitna des Mu'tazila. Ok, le khalifa qui est venu, qui était le 7e khalifa des Bani al-Abbas, il s'appelait Al-Ma'moun, le fils de Harun al-Rashid. Et il avait l'aqida des Mu'tazila. Il a été influencé par les Mu'tazila. Et il a essayé de forcer les gens à dire que le Coran, hein, il est créé. Il a essayé d'imposer cette aqida-là à tout le monde en utilisant son autorité et sa force. Donc il a essayé de forcer tout le monde à dire ça. Et on a appelé ça la mihna, mihnatu al-qawl bi khalq al-Qur'an, c'est-à-dire l'épreuve de la parole, de la création du Qur'an, et la négation des attributs. Donc c'est à ça qu'ils ont appelé, parce que c'est la aqida des Mu'tazila de nier les attributs d'Allah, et parmi les attributs d'Allah, il y a la parole, et ils nient donc la parole d'Allah, et donc ils nient que le Qur'an soit la parole d'Allah, et ils prétendent que la parole d'Allah est créée. Hein? Donc tout ça c'est des bid'ah et des paroles de kufr, et c'est ça que le khalifa de l'époque Al-Ma'moun a voulu propager parmi les dirigeants, parmi les umara, parmi les ulama, et il imposait ça à tout le monde, et même il torturait et tuait ceux qui refusaient de dire ça. Donc ça c'est devenu une politique de l'état de Al-Abbasiyya à l'époque. Et ceux qui l'ont suivi après, parmi les Khulafa, il y en a deux autres par la suite qui ont suivi cette voie-là, la voie des Mu'tazila, et ils ont établi des inquisitions pour imposer cette croyance-là à tout le monde. Et parmi les gens qui ont été éprouvés par ça, il y a eu l'imam Ahmad ibn Hanbal, et lui, il a enduré la fitna, et il a supporté la vérité, et défendu la vérité contre ces gens-là, et il a à la fin alhamdoulillah été victorieux, parce que le 8e khalifa, celui qui est venu après Al-Ma'moun, c'était Al-Mu'tasim, puis ensuite il y a eu le 9e Al-Wathiq bi-Amrillah, et ces deux là ils étaient eux aussi des Mu'tazila, et ils ont torturé et fait beaucoup de problèmes à l'imam Ahmad, mais alhamdoulillah l'imam Ahmad il a réfuté la parole des Mu'tazila, il a refusé de dire que le Coran est créé, il a rejeté la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé les attributs d'Allah, et les gens de son époque l'ont appelé l'imam de Ahlus Sunnah. L'imam de Ahlus Sunnah, pourquoi? Parce que c'est lui qui a défendu la Sunnah à son époque et qui a détruit la bid'ah. Donc les gens l'ont appelé imam ou Ahlus Sunnah. Et l'imam Ahmad est donc considéré comme étant un des grands réformateurs de l'islam, un des mujaddidin, et il n'y a aucun désaccord à ce sujet-là. Et pourquoi? Parce que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis à lui, que la aqidah de l'islam, la aqidah salafia, est restée solide, est restée ferme. Le cheikh, il dit, excepté que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, après, beaucoup de gens ont ignoré la réalité de qu'est-ce qui est arrivé dans cette épreuve et la réalité de la aqidah des salafs. Et les gens ont commencé à interpréter cette épreuve de différentes façons. Jusqu'à ce que certains pensent, même par leur ignorance, que la aqidah salafia, c'était le tafwid. Hein, c'est-à-dire que quand ils lisent les attributs d'Allah dans le Coran, ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Ça aussi c'est une bid'ah. Mais eux ils prétendaient que c'était la aqidah des salafs de dire ça. Hein? Et ils ont inventé un mensonge contre les salafs en disant ça. Parce que c'est pas vrai de dire que quand Allah dit qu'il a une main, on va pas dire on sait pas qu'est-ce que ça veut dire la main. C'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que ça veut dire la main. C'est pas vrai, on sait qu'est-ce que ça veut dire la main. Ils disent Allahu a'lam, c'est seulement Allah qui sait. C'est ça le tafwid. Et c'est quelque chose qui est faux, puisque les salafs ils disaient pas qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Les salafs disaient on ne sait pas comment est la main d'Allah. Donc le comment, on fait le tafouir, on dit c'est seulement Allah qui sait le comment. Mais la signification du mot main, tout le monde sait qu'est-ce que ça signifie. Ok? Et quand on dit Allah a une main, on dit oui, Allah a une main. Donc ces gens-là, eux, ils ont prétendu que nous, on ne devait pas dire qu'on sait, on devait nier la connaissance de la signification. Et ils commencent par la suite, ils ont même nié hein, les attributs d'Allah, sous prétexte que si on affirme les attributs d'Allah, selon eux, ils disent que ça veut dire qu'on fait ressembler Allah à sa création. Et nous, on dit non, il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature. Même si on utilise l'attribut, on dit la main pour une créature, on dit la main pour le créateur, mais ça c'est juste, hein, il y en a dans le mot lui-même, mais il n'y a aucune ressemblance dans la réalité de ces deux choses-là. La main d'Allah, c'est la main d'Allah, et la main de la créature, c'est la main de la créature. Et on ne compare pas les deux. La même chose pour la science, la même chose pour la volonté, la même chose pour la puissance, la même chose pour la vue ou l'ouïe, et les autres attributs qu'Allah s'est donné dans la révélation. Donc, le cheikh, il dit, « Wahiya an الذي هو تفويض معاني صفات الله إلى الله بدعوى أن معاني الصفات غير معروفة للخلق. Donc, بينما الناس, donc, pendant que les gens étaient pris dans le kalam, ils étaient noyés dans cette ignorance, ils commençaient à nier les attributs d'Allah, ils sont tombés dans le ta'til, dans le tashbih, dans le tamthil, et dans toutes sortes d'autres bid'a comme al-tafwid ou al-tawakuf, et ils pensaient qu'en faisant ça, ils avaient établi le tawhid, hein, et que c'était ça la aqidah de l'islam, et que c'était ça que les premiers musulmans parmi les muhajirines et les ansar avaient cru, et que c'était ça qui était rapporté dans le Coran et dans la sunna. Alors, à ce moment-là, que les musulmans étaient dans cette confusion et que les gens avaient oublié qu'est-ce que c'était la réalité de l'aqidah de l'islam et la réalité de la sharia, il y a eu un grand savant qui est apparu dans la région de Damas, hein, et il a surpris tout le monde parce que c'était une période d'obscurité et d'ignorance et de confusion et de bid'ah. Donc, au 7e siècle, l'imam Ahmad ibn Taymiyyah est venu et il a défendu la vérité. Il a fait entendre la vérité. Et il a défendu le madhhab des salafs. Et Donc il a défendu la aqida des salafs et il a supporté et enduré toutes sortes de difficultés pour ça, dans le but de faire paraître la voix des salafs et la aqida des salafs et l'appel à la voix des salafs et la propagation de la science des salafs entre les gens. Hein? Donc il a enseigné, il a écrit, il a donné des fatwas, hein? Et donc les gens de toutes les sectes se sont tous réunis contre lui. Tous les sectes que tu peux imaginer, les Shia, les Khawarij, les Soufis, les Mu'tazila, tous les groupes de Mubtadi'a se sont tous réunis entre eux pour attaquer Ibn Taymiyyah et pour lui faire des problèmes. Donc Ibn Taymiyyah, il les a répondu un à un, chaque secte. Il a écrit des livres sur chaque secte pour les détruire. Et il les a attaqués, il les a détruits de la base jusqu'en haut. Hein? Donc il a réfuté les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Qadariyyah et les Jabriyyah et les Ash'ariyyah et les Kullabiyyah et les Maturidiyyah, et il a même débattu avec eux, il les a complètement grillés. Hein? C'est-à-dire il a fait des arguments, même il a eu des arguments avec eux quand il a eu des avec le Coran et la Sunna. Parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, il avait, certains de ces Mubtadi'a, ils avaient des positions importantes dans le gouvernement. Parmi eux, il y en a qui étaient des juges, il y en a qui étaient des gens qui avaient de la déposition. Alors, ils allaient voir le dirigeant, puis ils disaient au dirigeant, Ibn Taymiyyah, il fait de la fitna, il crée des problèmes. Il commence à égarer les gens. Hein? Il venait de Damas. Et des fois, quand il était en Égypte, il y a eu d'autres problèmes en Égypte, dans différentes régions. Donc là, les Mubtadi'a, les Soufis et les autres, ils allaient voir les dirigeants. Ils disaient, Ibn Taymiyyah, il propage des égarements, il propage des choses, il dit des choses. Hein? Il faut l'arrêter. Alors le dirigeant, il l'amenait. Et là, il les mettait face à face. Ibn Taymiyyah contre les autres pour voir qu'est-ce qu'il disait. Ok, vous accusez Ibn Taymiyyah de ça, vous, qu'est-ce que vous dites contre lui? Alors eux, ils disaient, Ibn Taymiyyah il a dit ça, il a écrit ça dans son livre, il a fait ça. Alors ils disaient, ok, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce que tu dis toi de ce qu'eux ont dit? Là, Ibn Taymiyyah, il répondait, il commençait à sortir les arguments et les preuves. Et beaucoup de ces explications-là sont devenues des livres aujourd'hui. Tu comprends? Donc, par exemple, Fatwa al-Hamawiyya. La Fatwa al-Hamawiyya, il a été jugé pour ce livre. Et aujourd'hui, maintenant, hein, le livre, il est devenu... Il y a plein d'ulama qui enseignent ce livre-là aujourd'hui. Mais à la base, Ibn Taymiyyah, quand il a écrit, c'était une réponse à une question qu'on lui a posée des gens de la ville de Hama. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et il a répondu à une question qu'on lui a posée à propos des noms et des attributs d'Allah. Pour comprendre c'était quoi la position des salafs sur ça. Et il a répondu et c'est devenu un livre aujourd'hui. Mais quand il a sorti ce livre-là, tous les gens de Bid'ah étaient fâchés. Tous les Asha'ira, les Maturidiyya, les autres, ils étaient tous fâchés parce que Ibn Taymiyyah les a attaqués direct dans cette aqidah quand il a écrit ça. Hein? Oui, les Mongols, les Tatars. Oui, mais ça c'est un autre exemple. Mais là, quand il a écrit Al-Hamawiyya, les juges qui étaient Asha'ira et autres l'ont appelé pour qu'il se présente en cour pour lui donner des problèmes et pour essayer de l'attaquer en cours contre sa aqida. Ibn Taymiyyah a défendu sa aqida avec la preuve, avec les adillah, avec les paroles du Coran et de la Sunna, la parole d'Allah et les paroles des salafs, et ainsi de suite. Et ils ont ramené des shubuhats, il les a réfutés. Vous savez, il y a plein de gens qui ont essayé de réfuter Ibn Taymiyyah. À chaque fois, Ibn Taymiyyah les a détruits. Oui, il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles il a été emprisonné plusieurs fois et oui, il est mort en prison à la fin. Donc c'est pour dire, et la aqida al-wasitiyya, c'est la même chose. L'aqida al-wasiti est la même chose. Chaque fois qu'il écrivait une fatwa pour clarifier une aqida des salafs, les gens de bid'a essayaient de lui donner des problèmes. Donc c'est pour dire, il a sacrifié sa vie pour défendre l'aqida des salafs et pour défendre la vérité. Donc, il avait beaucoup d'ennemis, hein, et beaucoup de gens qui étaient contre lui. Et malgré tout, malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a raffermi sur la vérité et sur la méthodologie des salafs. Et il a revivifié et réformé la religion d'Allah dans sa aqidah et dans la sharia. Hein? Et ça, c'est une chose qui est bien connue pour tous les étudiants en sciences islamiques, et on n'a pas besoin de détailler ça ou d'expliquer ça. Et dit le cheikh, ça c'est connu. Il est le réformateur du 7e siècle de façon véridique. Et dernièrement, il y a eu au 12e siècle, et même avant, hein, beaucoup d'ignorance qui s'est introduite dans l'islam, dans la aqida et dans la sharia, dans toutes les régions des pays musulmans, et même dans la péninsule arabe, qui était la source de la lumière et l'endroit du départ de la da'wah de l'islam, comme on l'a expliqué. Mais les ténèbres avaient réussi à pénétrer dans la péninsule arabe, comme elle avait pénétré ailleurs également, et même que l'idolâtrie avait commencé à se manifester dans différentes formes, même en Arabie. Et les gens avaient ignoré la réalité du tawhid, et ils avaient même mal interprété la parole de la ilaha illallah. Ils ont essayé de faire croire aux gens que la ilaha illallah, c'était uniquement le tawhid ar-rububiyya, hein, comme si de juste de croire qu'il y a un Dieu unique, que c'est lui le maître de tout, que c'est lui qui contrôle tout, puis ça suffit. Même si tu adores les idoles ou tu adores les tombes ou tu pries des saints, c'est pas grave. Donc le cheikh, il explique que tawhid ar-rububiyya, ça, même Abu Jahl, il le connaissait. Donc c'est pas ça le tawhid des prophètes et des messagers. Donc les gens ignoraient la réalité du tawhid, qui est le tawhid dans l'adoration. Après, le cheikh, il dit, et en plein milieu de cette noirceur et de ces ténèbres épeurantes, Allah a fait venir celui qu'il a voulu pour qu'il se tienne dans ces ténèbres pour commencer à réformer la religion. Et il a commencé en plein milieu de la péninsule arabe, on a vu apparaître un jeune qui avait un sens de la jalousie pour la religion d'Allah et pour l'islam, en plein milieu du Najd, et c'était l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et il s'est promené donc dans le pays, hein, en recherchant la science et en étudiant l'islam, hein, et en étudiant aussi l'état des musulmans sur le plan religieux. Et il a vu que, yani, ce jeune-là a vu que il y avait, hein, des choses à corriger, des choses à arranger. C'est ça. Et il a lu les livres des deux grands imams, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Et c'est là que c'est à partir de ce moment-là que il a compris qu'est-ce qui se passait comme problème et qu'il devait faire une réforme. Et donc, après avoir étudié l'islam avec les ulama de son époque, hein, il a suivi la même voie que ces deux grands imams, l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn al-Qayyim, et il a commencé à faire sa da'wah, hein, explicite et claire et forte, sans aucun compromis et sans aucune tentative de vouloir essayer de faire plaisir aux gens, de dire la vérité telle qu'elle est. Et c'est là qu'il a appelé, hein, au tawhid et à la sunna. Et c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui la da'wah salafiyya, hein. C'est l'exemple de ceux qui ont suivi cette voie parmi les ulama à travers les siècles. Le cheikh, il dit, ce da'iya, hein, il a donc abreuvé cet arbre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a planté, et il s'en est occupé, hein. Il s'est préoccupé de ses branches, de ses feuilles, hein, de ses fruits, pour qu'elle puisse encore une fois yani, pouvoir laisser ses branches yani, se répandre partout, dans tous les différents continents, dans toutes les différentes régions. Et donc, ces branches ont atteint des endroits qu'elles n'avaient même pas atteints auparavant et qu'on n'avait jamais pensé même qu'elle allait pouvoir y arriver. Donc, elle est arrivée loin. Et la da'wa est allée encore plus loin à partir de cette période et jusqu'à ce qu'elle arrive à aujourd'hui, à notre époque. Et elle donne de ses fruits. Hein, elle donne de ses fruits. وَهِيَ تُؤْتِي أُكُلَهَا بِكُلِّ سَخَاء. En toute aisance, elle donne ses fruits jusqu'à ce que le bien soit généralisé et que le bienfait soit partout dans le monde, sans exception. Et elle continue encore aujourd'hui à donner de ses fruits par la permission de son Seigneur. Et les gens continuent à profiter de ces fruits-là. Et c'est un arbre qui est ferme et qui ne s'absente jamais. Ses fruits sont toujours présents. Donc il dit فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Donc il mentionne le verset dans Surat al-Ra'd, le verset 17, ce qui est la mousse ou l'écume, elle part, hein, et ce qui est utile et bénéfique pour les hommes, ça reste sur la terre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera Inch'Allah, au prochain cours pour la suite. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.